a 100% francês, Express ET. Uma seleção de Ricardo de Matos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do 100% francês, a sexta no formato Express ET, e que traz a cada domingo um género musical diferente até ao final deste mês de agosto. E desta vez, os intérpretes não estão muito preocupados com as grandes audiências, mas sim na originalidade e criatividade das suas músicas, com sonoridades muito próprias, muito suas. É a chamada música alternativa, que fica por aqui até ao fim da hora, neste 100% francês Express ET, l'alternative. Venha daí. 100% francês, Express ET. L'alternative. Mathieu Bogertz, Ondulé. 1996. Ouais, je dérive encore vers je ne sais quel remords. Y a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Assis là, j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Non, non, non, ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été par-ci par la lune, pas les idées bien installées, des échelles ondulées. Par-ci par la lune, pas les idées bien installées, des échelles. I never feel the same. Centre français, Express ET. L'alternative. Bonzé, au grand jamais. 2008. Mmh. jamais, au grand jamais. Regardez, est-ce que je tremble? Non, jamais. Plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non, jamais, jamais, au grand jamais. Céderai-je dans mes bras la place de ma guitare à une bague au doigt ou à ces filles d'un soir? Suis-je des froids glacés quand je monte sur scène? Sait-on déjà brûlé à la chaleur humaine? Non, jamais, au grand jamais. Regardez, est-ce que je tremble? Non, jamais, plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non, jamais, jamais, au grand jamais. Jamais, regardez-moi, est-ce que je tremble? Non, jamais, plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non, jamais, au grand jamais, et achevez-moi si je tremble. Car jamais, au grand jamais, je ne laisserai cette vie me descendre. Non, jamais, jamais, jamais. Au grand jamais. Jamais, jamais, jamais. A 100% francês, Express ET. L'Alternative. Album de la Simone, Tu es là. 2001. J'ai mangé 310 crevettes, planté des clous dans mes mollets, remangé 80 crevettes, rongé l'éponge, fumé l'évier, j'ai descendu 126 marches sur un pied et puis sur le dos, me suis gazé, coupé le nez, ça pique mais c'est pas grave, car tu es là, tu me regardes et me souris. J'ai pris des cachets pour dormir, fait du café avec du myrrhe, éteint des bougies à la langue, ça brûle mais c'est pas grave, car tu es là, tu me regardes et me souris. We'll be right back. 100% francês, Express-CT. L'Alternative. Safo, Replay. 2008. Reply to me. Reply. Reply to me. Reply. What? You don't want to replay it? You little prick. Un petit peu d'un ton sérieux. Fais-moi les promesses délirantes. Après tout, qu'importe si tu chantes. Viens me tromper un petit peu. Raconte-moi d'énormes craques. Après tout, qu'importe si je craque. Ça me fera passer l'hiver. Ma vie à l'envers, c'est la fin. Je t'aime, je t'aime. Reply to me. Je t'aime, je t'aime. Reply. Reply to me. Reply. Viens me faire rire, je t'en supplie, d'un ton sinistre. Fais-moi les farces astronomiques. Après tout, qu'importe si ça pique. Viens me faire dire des conneries. L'amour n'est pas démocratique. Au petit bonheur, la chance, il pique. Alors pourquoi rester tendu? De toute façon, il y a un malentendu. Je t'aime, je t'aime, reply to me. Je t'aime, je t'aime, reply. Je t'aime, je t'aime, reply to me. Je t'aime, je t'aime, reply. Pas tout à fait. Viens mon amour, on va s'y croire. On fera une danse giratoire. Je dis pourquoi rester tendu. De toute façon y'a malentendu. Je t'aime, reply to me. Je t'aime, reply. Je t'aime, reply to me. Je t'aime, reply. Je t'aime, reply to me. Je t'aime, reply. Je t'aime, reply to me. Je t'aime. Replay. Francês, Express-CT. L'Alternative. Paris Combo, Calendar. 2004. Son cava sous le bras, en pleine nonchalance, un peintre en bâtiment de moyenne importance, en ce jour de congé, traîne son anatomie. Un sourire irradiant sa tête de lundi. Chaque jour son visage, mais le même paysage. Défilant continu, c'est le train-train absolu. Une fois bien maquillée, sa tête de mardi

faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. À 100% français, Express ET. L'alternative. Jean Leclerc, Tangerine. 2006. Tu t'appellerais Tangerine et tu serais objet volant. Dans un cirque où tu brillerais, vêtu d'un costume éclatant. Tu t'appellerais Cocaïne et je serais le guitariste. Et nous visiterions le monde à regarder à l'horizon les lumières de chaque nouvelle ville. Les lumières qui cessent à l'océan. Ah si jamais rien ne pouvait cesser ce film où il y avait cette sonate de Beethoven, où tellement d'adolescents moururent en se coupant les veines. Le temps s'arrête, Tangerine. Reste avec moi, la lune est tendre. Est-elle étrange sa lumière? On dirait la poudre de verre. Je t'appellerai Cocaïne parce que je ne peux m'arrêter. Un homme est mort dans son lit. Dans ses poches un portrait flétri de sa fille et un papier gris qui lui disait je t'aime en vain. Je t'aime en vain. Qui lui disait je t'aime en vain. Ah si jamais rien ne pouvait cesser ce film où il y avait cette sonate de Beethoven, où tellement d'adolescents connurent une mort si certaine, connurent une fin si soudaine, connurent une mort si certaine. fr.blogspot.com. 100% francês, Express ET. Uma seleção de Ricardo de Matos. 100% francês, Express ET. L'alternative. Eden Mix, Ruben de Satin. 2007. Je te laisse. ses désirs jusqu'à en mourir. Dans ce labyrinthe noir, empreint de tous les désespoirs, je t'emmène au bout du rêve pour que jamais ne s'achève tout l'amour de notre histoire. Du fond de ta mémoire, jamais tu ne pourras savoir combien te tiennent ces chaînes, combien je me ferai chienne. Francês, Express ET. L'Alternative. Julien Barre, juillet 66. 1997. Emmène-moi.

j'ai nagé de mon terre, je l'ai toute douleur. Rappelle-moi le jour de tes 25 ans, si j'ai l'argent, je te rejoins au printemps. Francês, Express ET. L'Alternative. Camille, au port. 2005. Hé, petite fille, tu bois de l'eau et tu es saoule. Là où tu te noies, tu as beau avoir pied, tu coules. Au port. Au port. Hé, petite folle, c'est pas la brasse, c'est le crawl. Pour la traversée, il t'aurait fallu des épaules. Du corps, du corps. Mais lui c'est différent, il est né sur l'océan. C'est un grand capitaine, un homme monument. Tu t'es perdu dedans. Et puis petite fille, on n'est jamais deux à partir. Y'en a toujours un pour larguer, l'autre pour l'enquir. Au port, au port. Et puis tu te cruches avec tes pots de confiture. Tu partiras en sucette mais pas à l'aventure. Au nord, au nord. Toi-même et je te parle, tu es déjà grande, alors lève-toi, sors de ta cale. Au port, au port. Ton cœur de petite fille est mort. Et petite fille, à ta droite, la femme de triomphe. Et petite fille, à ta gauche, il y a Dieu qui ronfle. Et petite fille, devant, il y a les pyramides. Et petite fille, derrière, génie de la Bastille. Et petite fille, à ta droite, la femme de Francês, Express ET. L'Alternative. Louise Vertigo, La Route Me Charme. 2001. la route me cherche. Take it out, take it down. La route me cherche. Take it out. Francês, Express ET. L'Alternative. Sam, Just a Kiss. 2008. Tour à tour. Just a Kiss. Dans ton cou, dans le mien. À peine une esquisse. Toi et moi, on est bien. Tomber, on sait bien. Trouver. Amour, amour, cours toujours. Bah, tu vas dans tes yeux. Toi, la folle, folle de moi. Moi le fou qui s'y fout de toi, oui, de toi. Just a kiss. C'est un avant-goût du bonheur. Just a kiss. Quelle étrange saveur. Just a kiss. C'est un avant-goût du bonheur. Just a kiss, just a kiss. Sur tes lèvres, je trouve tout ce qu'il me faut pour un voyage dans le temps. Pas besoin de science-fiction. Pas besoin de science-fiction. Continue, tu sais, je donnerai ma langue à toi. Seul petit. Just a kiss. Pour m'envoyer au septième ciel. Ciel. Just a kiss. C'est un avant. Just a kiss. Quelle étrange saveur. Just a kiss. C'est un avant-goût du bonheur. Just a kiss. Quelle étrange saveur. Just a kiss. C'est un avant-goût du bonheur. Just a kiss. Quelle étrange saveur. 100% français, Express ET. L'alternative. Ours, Canina e Sol. 2007. Canina e Sol, Nina se met en boule. Elle s'enroule, Canina e Sol. Canina, consomme Nina, pause Nina. Vodka pomme, Nina s'assomme. Nina a un petit coup d'ennui. C'est comme ça, chez Nina c'est né, chez Nina. Nina a un petit coup d'ennui. C'est comme ça, chez Nina c'est né, chez Nina. Elle s'ennuie, Nina s'ennuie dans la vie. Nina la folie, Nina se détruit. Un peu chippie, ses cheveux sont en épis. Nina est jolie, Nina m'attendrit. Nina a un petit coup d'ennui. C'est comme ça, chez Nina c'est inédit. Nina a un petit coup d'ennui. C'est comme ça, chez Nina, c'est né. Sur ta joue, laisse-moi mettre un bisou, Nina. Francês, Express ET. L'alternative. Charlotte, etc. Que rue d'avance. 2009. Léon dit, ce ne sont que des sons. incontrôlable de ne pas épanouir. Il est même inconcevable qu'il se soit évanoui. C'était couru d'avance, ces longues plages de silence. Léon, Léon dit, ce ne sont que des sons. J'aime tant l'idiotie quand elle perd.